À l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, l'Institut des problèmes internationaux de la République populaire démocratique de Corée a publié le 6 courant un questionnaire ouvert sous le titre « Est-ce que les États-Unis savent que l'échec honteux de la campagne extrême des droits de l'homme contre la Corée est fatal ?» Le questionnaire indique que les États-Unis, déconcertés face au développement prodigieux et au progrès à un niveau très élevé de la capacité nucléaire de la Corée socialiste, s'attachent frénétiquement à la campagne démagogique visant à étouffer à tout prix par la politisation et la maximisation du problème des droits de l'homme qui n'existe point en Corée populaire. Ensuite, le questionnaire affirme que Washington doit répondre correctement aux questions suivantes. 1. Est-ce que les États-Unis connaissent la réalité des droits de l'homme en Corée socialiste, où le peuple forme une entité avec son dirigeant et jouit authentiquement les droits de l'homme? 2. Est-ce que les États-Unis peuvent reconnaître devant le monde entier que leur campagne des droits de l'homme effectuée de pair avec le problème nucléaire vise le renversement de l'authentique régime socialiste de la Corée populaire? 3. Est-ce que les États-Unis ne connaissent pas encore que les résolutions des droits de l'homme contre la République populaire démocratique de Corée qu'ils fabriquent chaque année sont les dossiers criminels totalement opposés au droit international? 4. Est-ce que les États-Unis sont prêts à présenter leurs excuses et récompenser leurs crimes d'avoir violé le droit à l'existence et le droit au développement du peuple coréen? 5. Est-ce que les États-Unis ne connaissent pas que ce n'est qu'un rêve absurde de déshonorer le prestige de la Corée socialiste par l'invention des dossiers absurdes sur les droits de l'homme? 6. Est-ce que les États-Unis sont prêts à se présenter au tribunal international comme accusés au lieu de se faire juge des droits de l'homme injustifiables?